quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent doute de la 70%. Live. On est-tu live ou on l'est pas? Qui est plus live? C'est moi. C'est... Live. De Noël! C'est le band live quand tu joues live. Bonjour tout le monde, c'est de Noël, on est à 70% avec les amis Bernatché, Forêt, Prêt, Boudreau, le chevelu, et l'excellent David Saïd à la caméra. J'ai-tu dit Bruno? Non, t'as pas dit Bruno. Ok, ben, et Bruno. Bruno, en manchette ce soir? En manchette ce soir, j'ai mon ordi pas encore ouvert. Attends. Ok, tu savais pas encore. Manchette ce soir, mon ordi pas encore ouvert. Vous l'avez appris ici en premier. Hein? Tu vas parler de quoi, toi? Je vais poser des choses sur les jeux vidéo basés sur des BD franco-belges. Oh! Ouais, c'est ça. Ils sont pas tous à la hauteur de ce qui les a inspirés. Ah ouais, Astérix, c'était pas. Je me trompe pas, il y en a aucun de ceux-là qui est sorti en Amérique aussi. Ok, Moi, j'ai déjà joué à Astérix sur le Commodore 64, puis j'ai jamais compris le but. J'ai jamais réussi. Ben en fait, c'est un fluon assez. Je vais en faire d'autres, puis probablement, parce que ça, juste sur une case 64, il y en a pas mal aussi. Oui, c'est sûr. Bon, ben voilà, on va. Pas toujours bon. Apprendre. Hein? Ah oui. Creuser. Nous, c'est apprendre la magie à les connaître de Noël, et à les aimer. À les aimer. Et la magie de Noël, c'est très souvent synonyme. De magie de Noël. Ouais, de féerie de Noël. Ouais, aussi. De féerie. De magie de du temps des défunts. De prestidigitation de Noël. Ouais, je sais pas. C'est la première fois que je l'entends. Ça a l'air plus fake quand tu le dis de même. Ouais, ça a moins l'air de la vraie magie. Ça a l'air de y a un truc, fait que c'est pas. Illusion de Noël. Ah, ça j'embarque. Bon, ouais. Conjuration de Noël. C'est bon. Nécromancie de Noël. Transmutation, toi, en as-tu Violence envers les aînés. Ben, oui, aussi. De Noël. De Noël. Les aînés de Noël. Ils sont seuls souvent à Noël, on le rappelle. Ouais, puis, et violentés. Oui. Il n'y a personne pour les violenter souvent, c'est dommage. Ouais. Toi, c'est un spécial de. De Noël, je pense, mais j'ai apporté les pires pochettes de Noël que j'avais. Fait qu'on va se faire un festival des pires pochettes. Ah, ben oui, on profite tranquillement du fait qu'on a le visuel. Oui, c'est ça. J'ai apporté toute une trolley de disques, puis on va pouvoir les regarder. Puis sinon, j'ai encore ma liste de tunes de Noël que vous pouvez me demander ce que vous voulez là-dessus. Wow, on va sûrement aller piocher pas ouais, mal. Ben là, je vais prendre Jingle Cowbell, Jingle Gold Bell Cows cette fois-là. Ah ouais, parce que tu l'as pas entendu. J'ai pas entendu la semaine dernière. Le gros tu vas voir, oui, c'est quelque chose. J'en ai samplé une nouvelle en plus. Moi, sinon, au niveau ben formel, je suis content d'informer toutes les personnes qui nous écoutent live ou qui nous écoutent en archive que ce soir au Brouhaha, il va y avoir Géant qui va venir chanter pour nous. Donc, c'est une belle surprise. C'est un cadeau de Noël que la féerie magique qui vient de Noël, je crois que ouais, c'est incarné de Noël. On va écouter du Géant tantôt. Génocidatique, là, on mettra pas encore les fleurs dans l'armoire. Oh, on va découvrir une autre affaire. Je veux pas découvrir des affaires. Hein. Mais c'est quand même le classique. Je veux pas découvrir des affaires. Tu vas l'entendre reconnu. Ben ouais. Son autre tune est super bonne. On vend des guns jusqu'en Afrique. Là, ouais, mais là c'est Noël. Là c'est Noël. On a besoin de réconfort. Ouais. Ouais. De fleurs dans l'armoire. Ça c'est de l'argument. Ok. Qui basé sur rien. Je m'ennuie d'être à la console. Moi, je vous aurais surpris, je vous aurais fait découvrir de quoi. Ouais. Sinon, j'ai trouvé ici le prix de ouais, joyeux 21,77. Ouais, il y a finalement une compagnie qui a statué. Et, ça, c'était le prix joyeux. Et voyant Noël a un prix. J'étais vraiment, vraiment, vraiment impressionné. Je n'ai pas vraiment demandé à la personne non plus si je pouvais partir avec. Je me suis dit que la magie de Noël était faisait pour que... C'est ça. En plus, ça, c'est la bière Coors Light, je remarque. Bud Light, Coors Light et Sleeman. C'est pas pire. Coors Light, c'est la bière que son avantage, c'est que si tu la mets dans le frigidaire, elle devient frette, là. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ou très frette. Non. Très pas frette. Besoin de la mettre. Parce qu'il y a des trous dans la boîte pour laisser passer le frette, parce que le carton, c'est isolant. Ben on va finir, là. Fait qu'enfin, une solution. Ah, on est cave en esti. Ce qui est pas pire avec les trous, c'est que comme ça, ta boîte est moins solide. Ouais, aussi. Fait que si t'en échappes une bière dans le fond, puis là, ça mouille d'un coin, ben là, elle déchire. Il y a ouais, de la glace dehors. Ouais, puis ça fait assez drôle, c'est rigolo, tu sais. Ça Noël. Crée des quiproquos, ça démarre des discussions. De Noël. C'est un bon icebreaker, vu que quand il fait super frais. Et puis je vous conseille aussi d'aller voir en archive le spécial de Noël. On a eu Le Monde dans le Feu, on a eu Magie, on a eu Mathieu Ayane. Boudreau, là, qui nous snob pour l'instant, là, qui va venir nous rejoindre pour l'émission. Je pense que Simon Préjean va mettre le clip de Noël. Un clip de Noël. Ce qui a été voté au www.douteux.org, ça a été le three-way de Noël. Ça veut dire que c'est la spéciale de Michel Louvain de Noël, la spéciale de Rambo de Noël, dans lequel Rambo va aller sauver le Père Noël qui a été kidnappé par Savage. Le spécial de Noël de Michel Louvain, c'est qu'il reçoit des invités de Noël puis qu'il passe trop de temps avec des enfants. Ça, c'est mon affaire préférée de Noël. Tu parles c'est la meilleure affaire. Moi, je savais pas que ça existait. J'ai vu ça, c'est une belle. Il y a vraiment un excellent moment dans le spécial de Michel Louvain de Noël où est-ce qu'à un moment donné il est en train de parler d'un Noël triste avec une famille qui avait perdu un enfant, deux vieilles personnes et puis là ben pendant qu'ils viennent juste de finir d'expliquer ça, puis là ben ça sonne à la porte, il fait ah, puis il s'en va répondre à un personnage qui vient un facteur, laisse tomber ça, qui vient chanter une toune. C'est le meilleur bout de loin. Puis sinon c'est quoi d'autre là, attends un peu, m'a trouvé là. Oui, c'est vrai, il y a Santa Trek, que c'est un petit peu le Star Trek de Noël. Ça, c'est ma sélection. Je l'ai jamais vu. On l'a jamais vu, c'est peut-être Santa ça la meilleure Trek. Affaire de Noël. Ouais, là, ça en a l'air puissant, là, ça. Hey, Santa Trek, là, moi, je donne facilement un moins 8.5, moins 9. Bon. Tandis que moi, le Noël de Rambo, je donne pas plus que moins 6 à cause de son concept. Parce que moi, je suis moins Rambo. Mais ça, c'est pour ça que moi, je donne moins. Fait que peut-être, par rapport, je donne moins 7. C'est très subjectif. C'est quand même le concept fille à kidnapper, sauf avec le Père Noël à la place de la fille. Oui, dans un dessin animé. Dans un dessin animé. Oui, c'est ça. De Noël, de Noël. Rambo. De sur la même planète qu'il y a Rambo, il y a le Père Noël. Ouais. Dans le même univers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est de la grosse qualité. Mais c'est pas notre planète. On n'est pas en compétition. Ça, ouais, c'est la planète des forces de la liberté. Fait que c'est quoi le clip que tu mets, Predge? C'est moyen Noël, mais c'est quand même Jesus, hein? Parce qu'il faut pas oublier le plus important. C'est son anniversaire. Noël, c'est ça. C'est l'anniversaire de Jésus, hein? Avant que ce soit l'anniversaire de la Chine, c'était l'anniversaire de Jésus. Et voilà. Pauvre Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ça fait tomber à Noël, c'est plate, ça. On va aller voir du monde qui lui rend hommage, hein? The Christ is Right par Gatineau, du monde de chez nous. Sur Douteux TV, la télé des délaissés. 70%. Il dit la dernière syllabe. Ouais. Sans plus mon chum, Jésus dort tombe en ville. Je l'ai vu à soir, coin Sainte-Catherine du McGill. Il est en train de prêcher à Bonne Nouvelle 20 sans civile. À partir de ce temps, t'auras pas de faire débile. Assistant 100 piastres, je peux te montrer où ce qui reste. Je prends les chèques, la carte, l'argent en espèces. Compte un 10 de plus, je te récite la messe. Compte un autre supplément, ben je te redonne ta jeunesse. Check pas notre en appendice, y'a pas de vis caché, pas d'autre service. La seule affaire, ça manque, c'est que tu départisses ça. De ton char, ta cabane, ta bande, ton fils. Comme ça, t'envies, mon chum, y'a rien de gratis. Pense que le Christ n'a pas fait des sacrifices, lui, con. Dans le monde, on waste the mark. Sinon, j'ai juste mangé ma part. Dans le monde, on waste the mark. Pour ses disciples, garde sa traitement royal. Il a promis la souveraineté pour le Québec cette année. En haut, son père a des contacts avec René. Ça devient enfin légal de se battre. Que le prix de loi arrête enfin d'augmenter. La semaine de 4 jours d'amus décanté. La réduction du temps d'attente du système de santé. Retourner ta partie du mois d'octobre. Guérir du maladie du symptôme. Le règlement des courses, l'armée sur le globe. L'équilibre mental pour toutes les fuck-tops. L'instauration, la semaine des 4 jeudi. Le pardon, la réternelle. Le paradis peut tout s'en faire plus tard que midi. En échange de ton numéro, garde le dans le monde, on waste the noise. Sinon, j'ai juste mangé pas de Besoin de ton mec, ça presse. Tu veux savoir comment? Guys, fais juste un petit virement de fou à ta caisse. On y fait prêt pour la peine du Christ. On y aura compte de banque numéro 1 en Suisse. Une tournée mondiale des hospices. Son émission TV dimanche matin au Canal 10. Il y a plein de prophètes, mais le Christ, c'est seul qui existe. En portant notre affaire, pour laisser faire du résist. On est en compétition directe avec Raël. Le Daï Lamour, l'Islam pis Israël. Ça a seule manière d'avoir la vie éternelle. C'est 21-77. Moi, j'ai encore des péripéties avec mon DS cette semaine. Parce que là, je l'ai comme juste échappé sur mon côté. Puis là, il y a la site, ça a pété. C'est super intéressant. Ouais, surtout, ça interrompt le thème des nouvelles. On veut entendre les nouvelles. On dit Fred Fournier est arrivé. Puis Mathieu Boudreau est arrivé. Puis là, on écoute les nouvelles. Ouais. Ok, on y va. Ouais, vas-y. Ok, go. On y va. Non, t'es fatigué un peu là. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Bonsoir. Alors, George Herrera de Stockton en Californie est resté coincé dans la cheminée de sa maison. Ah, c'est tout à ça qui arrive. Ah, ouais, ouais. Il est assis sur un sofa, en plus il rien arrête à fumer. Regarde mon Facebook. Sur Facebook. Ah là là là là. Alors, George Herrera de Stockton en Californie est resté coincé dans la cheminée de sa maison après avoir tenté de rentrer passer l'heure à l'insu de ses parents. Ah, Père Noël. Ouais. Le jeune homme de 18 ans est resté au fond de la cheminée pendant 90 minutes avant que les services d'urgence ne soient contactés. Il est vraiment épais, ce gars-là. Ouais, on pourrait. Il a réussi à rentrer jusqu'en bas. Il est rentré. Mais là, il plié les genoux, quoi que ce soit, il pouvait pas faire le coin. Ben en fait, il paraît que ses pieds dépassaient dans le foyer. On pouvait le voir. On pouvait voir si ses pieds sortaient. Donc, il était presque rendu. Les pompiers ont installé des cordes autour de ses poignets afin de tirer de là à l'aide de l'échelle du camion de pompiers. Les pompiers affirment qu'il n'a pas été blessé et que ses parents l'ont laissé rentrer après. Après coup, ah ouais? Ouais. Moi, ça aurait été de mieux. Okay, j'aurais laissé dehors, personnellement. Ouais. J'aurais dit, tiens, pense. Mais d'après moi, les pompiers ont dû dire aux parents, là, c'est les rentrées, là. Au moins pour se laver. Ma femme aurait dit ça, probablement. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, je serais allé me recoucher. Mais fait que c'était pas le Père Noël pantoute. C'était pas le Père Noël, non, c'était... Il voulait rentrer chez eux. Il voulait juste rentrer chez eux. En catimini. En catimini, voilà. Voilà, merci. Ouais. Le titre d'un album de la chicane? Oui. Non. Ah, aussi. Ah, j'avais pas pensé. Vas-y, fais-en une autre. D'accord. Autre nouvelle de Noël. Un groupe d'activistes pour les droits des animaux a demandé sur son site internet de se plaindre poliment au personnel d'une chaîne d'épicerie du Royaume-Uni afin que de protester contre le pâté de reine vendu pour la période des fêtes. Quelle bonne idée. L'étiquette semble être conçue avec un désir de choquer les âmes sensibles en proclamant que le pâté est fait d'un cousin de Rudolph élevé sur des fermes. Celui qui a moins bien réussi dans famille. Le pâté n'est par contre plus disponible dans les épiceries, pas parce que la chaîne a décidé mais bien parce qu'elles ont toutes vendu à cause de la publicité causée par les activistes qui c'est la pub gratuite que tout le monde. Ah ouais, ils font du pâté de reine. Check, on va manger le cousin de Rudolph. Un petit peu plus Noël. Fait que les environnementalistes, qu'est-ce qu'on a appris? Fermez votre gueule plus souvent. Puis vous allez avoir mieux raison. Ça n'existe pas, la mauvaise publicité. Non. C'est tellement années 70. Fait qu'on est rendu à quoi, là? Après ça, c'est peut-être Fred qui va nous amener ses flirts. Puis après ça, on va choisir une toune avec Étienne. Ça a-tu l'allure, ça? C'est un super bon. On va faire ça dans cet ordre-là. Là. Moi, il faut absolument que j'aille... Parfait. Donc, Métro Flirt de Noël. Donc, on est dans l'ambiance. Ça va prendre un thème, Fred. Oui, j'ai un thème aussi. En plus, le premier que je vais lire, c'est un thème avec géant qu'on va recevoir ce soir. Parce que ça s'intitule « Bel inconnu géant ». Ah. Je suis allé avec une thématique comme ça. Mais c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Tu liras tantôt. Avec les fleurs dans l'armoire. Donc, mon amour, dès que nos regards se sont croisés nous savions que nous étions faits l'un pour l'autre. J'adore le verre et tu en portes souvent. Coïncidence. Ben oui. À moi, tu y as déjà dit. C'est pas tant de couleurs, hein. Tes yeux me font penser au ciel. Nous allons à la même école, mais malheureusement, notre amour est impossible. Ce serait très mal vu, mais notre amour reste vivant. ENT. 5 petits points. Une élève fait un prof, c'est ça? Il le sera toujours cœur. Donc, de la belle inconnue verte. C'est ça, ça a l'air d'être malsain. C'est de Noël. Le prof de bio qui s'habille en vert, il se reconnaît. J'espère que c'est pas le prof qui a écrit la lettre à son pote. J'espère. Ben, la semaine passée, j'ai lu justement les quatre colorés qui écrivaient au monsieur de 42 ans et demi. Là, dans le métro, il y a eu deux réponses d'un pseudo monsieur de 42 ans et demi aux quatre colorés, mais c'est sûr que c'est des jokes. Là. J'embarquerai pas dans la saga. Non. Donc, ce serait trop facile. On les file pour vous. Ouais. suivant, donc, on regarde la thématique Noël, mon ange gardien. La thématique, excuse. Noël. Naël. De Naël. De Naël. Mon ange gardien dans nos campagnes. Je t'ai vu cette journée monter, accent aigu, dans le train en direction Côte-Vertu. C'était 6h30. Nos regards se sont joints pendant plusieurs secondes. Je sais pas, ça fait combien de temps? Ça, c'est plusieurs secondes. Tu avais un t-shirt noir et un chapeau noir et jaune. Tu as fait mon cœur sauter comme il ne l'avait jamais fait. Tu as fait mon cœur sauter. Belle inversion. Bravo. Moi, j'aime plus un pour ça. Elle parle un peu comme Yoda. Ben ouais. En sortant à Lionel Grou... Mon cœur sauté, là. En sortant à Lionel Grou, tu as pris mon cœur avec toi. Nos regards. Je suis mort. C'est ça. Si tu peux me le rapporter. Si tu peux me le rapporter d'ici les prochaines 30 secondes, j'apprécierais. Ah, non, laisse faire. Moi, c'est ça. Garde-les, finalement. Nos regards, comme nos cœurs, sont liés à toujours. À toujours. Et pour jamais. Et elle cite ensuite Francis Cabrel en disant « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais pour toujours. » Oui, bien sûr. Et suivi d'un poème en anglais, en guillemets, « I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach. » Ça doit venir d'un rapper quelconque, puis nous autres, on n'est pas dans le coup. C'est vraiment qui surpasse les montagnes. Si tu cites Francis Cabrel, tu deviens bilingue, je pense que ça peut devenir pas mal n'importe quoi. Quelqu'un sait d'où vient la dernière citation, là? Ouais. Sur Twitter. La personne concernée, Gmail. Toi. Oui. Mais c'était quand même avec le feu de la passion, celle-là. Avec le feu de la passion. Je vais y aller jusqu'à une petite dernière avant de... Vas-y. Troisième. On va passer à Noël. Man of My Dreams. Ça, c'est... On y va dans la catégorie... trop descriptive, tu sais, trop de descriptions. Je t'ai remarqué sur la ligne orange à 17h10, le 2 du 11-11, beau, grand, mi-trentaine, look sportif slash fashion, petite barbe, glisonnant, écouteur B, plus iPhone, bouteille d'eau VOSS, avec tes petites lignotines. Avec tes petites lignotines. Il y avait des petites lignotines. On sait pas si c'était des crispers. Tu avais fait du sport. trois petits points. Elle dit, bon là, il me manque que la couleur de tes bobettes. Oh! La marque des grignotines aussi. Elle est chouette, la marque des grignotines. Et rigolo sur tes doigts, t'es rigolo. Moi, je pense que t'as les sœurs en vrac, ces grignotines. J'ai vu ta sœur sur Facebook. Les trois sœurs. C'est quoi, tu nous cherches des commanditaires? Ouais. It has begun. Elle enchaîne avec trois autres petits points et disant, bref, tu me plais beaucoup. Ben oui. Ah ben oui. Tu as continué vers l'avant et moi j'ai dû m'arrêter à Henri Bourassa, fais-moi signe de High Jewels. Ça veut dire que ça la dérange même pas qu'il s'en aille à Laval. Ça dérange pas pendant tout, hein, ça, la ouverture ben, d'esprit. Pas superficielle. C'est beau ça. Elle est pas superficielle. C'est tout ça à son honneur. Elle avait un petit carnet à tout prix en or. Pas superficielle. C'est pour ça qu'elle l'aime parce qu'elle l'a vu dans le métro. Ben oui. Ouais. C'est ça. Hey, ben merci beaucoup, Fred. C'est une très belle aventure. On en aura deux, trois autres tantôt. Ça arrive. Déjà. Des géantes de Noël. Sinon, toi, t'as choisi ta toune. Attends. Il y a quelqu'un qui m'en demande une par Twitter. Comme quand même, on va encourager ça. Je vais prendre sa demande. Qui d'ailleurs, qui est même pas sur la liste que moi je vous ai prêtée. Elle est allée fouiller dans la playlist de Radio Cochonnerie. Puis ça, c'est super. Qui nous demande, en fait, c'est J-Sebs. Qui nous demande Lenny Gomulka, Have a Merry Christmas Polka. Que c'est un excellent choix, puis ça me fait me rendre compte quand j'ai tapé Christmas Polka dans ma banque de tunes que j'ai deux tunes différentes qui ont ces mots-là dedans, mais que c'est pas la même affaire. Donc, c'est ça, ça va être ça. Lenny Gomulka. Is it the word at all? Non, aucune. Et l'autre, c'est The Merry Christmas Polka de Jim Reeves. Mais là, celle qu'on écoute, c'est Lenny Gomulka. Have a Merry Christmas Polka. Bożego Narodzenia, Happy Polish Holidays to every one of you. Wesołych Świąt, Bożego Narodzenia, Have a Merry Christmas and a Happy New Year too. Je suis allumé. Il y a quelqu'un ici qui nous dit, est-ce que vous pourriez nettoyer la lentille de la caméra, s'il vous plaît? Il y a un petit spot vraiment chiant. C'est vrai? Hein? On est-tu live ou on n'est pas live? Je vais prendre la peine de me déplacer pour vous aviser que ce n'est pas une saleté, mais une scratch. Ah, et voilà. Sur la lentille. C'est très subtil, mais oui, on est conscient que ça existe. Mm-hmm. C'est pourquoi nous comptons sur vous pour nous donner des caméras de qualité. On a besoin d'argent, on a besoin de votre équipement, on a besoin de vos dons. Donnez généreusement, c'est Noël. On est tous pauvres ici, puis on te fait ça pour toi gratis. Où est-ce qu'ils peuvent donner ça, des dons? Au 1803 Saint-Christophe. Est-ce qu'il y a un piton PayPal en quelque part aussi? Où est-ce qu'il y a un piton PayPal sur la page de douteux.tv directement s'ils veulent donner des dons en argent. Ah, puis voilà. Sinon, s'ils veulent plus, ils veulent plus, comme d'habitude, ben ils ont juste à nous contacter. Ils peuvent contacter Tommy à commercialdouteux.org ou Bredj à commercialdouteux.org, puis on va tout résolver ça, ces questions-là. Et puis on a le pouvoir de faire des factures, ça, faut pas oublier. C'est reçu d'impôt. C'est déductible d'impôt, donc si vous avez une vieille caméra ou un vieil ordi, ben ça peut être une manière intelligente et participative de les recycler. Fait qu'on regarde surtout dans la direction de Rob Sam 112 qui a vu le spot dans la lentille. Ouais, voilà. C'est pas dire, hein? Ouais, ben, en tout cas, c'est ça. Non, c'est soit donnez-nous des trucs ou mêlez-vous de vos affaires, c'est ça la morale. Pas... pas sûr, là, c'est un des deux. Là. Y a-tu un entre-deux? Non, non. Non, non, non. T'es avec ou t'es contre. Exactement. Ah, mais on l'a écouté le polka de Noël au complet. Au complet. Ben ouais, par l'autre, man. C'est la magie de Noël. Là, t'es deux Christmas polka. La deuxième polka. Christmas polka. Ben ouais. OK, alors Jim Reeves, The Merry Christmas Polka. Ah, c'est sur l'air de Beer. Il y a comme une espèce d'univers parallèle dans lequel, tu sais, il y a comme une guerre entre les deux Christmas polka, puis là, il y a deux factions, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Vraiment, qui comme les Beatles, puis les Rolling Stones. Ou les Beatles. c'est manqué. Des wish. Ben, c'était bon, les Monkees. Ben oui, ils chantaient. Il composait pas, en fait. C'est qu'il n'avait deux sur quatre qui étaient musiciens, puis vers la fin de la carrière, ben, les deux musiciens, ils disaient, on est tanné de juste faire les affaires que vous nous imposez. Puis vers la fin, ils ont commencé à faire de l'eau stock. Ah, que leur film est bon. Ils ont fait même un comeback au tournant de l'année 2000. Là. C'était genre The New Monkees. C'est pareil. Tu sais jamais ça s'en va où, hein? On parle de Christmas polka. Mais voilà, c'est là qu'on est rendu. Ben, c'est comme ça. C'est ça que c'est, qui est beau. C'est la magie de Noël. Ben, oui, c'est ça. Je me rappelais plus que j'avais cette tune-là, honnêtement. Je me rappelle plus l'avoir déjà entendu, man. J'en parle des bouts. C'est l'âge. Waouh, la quantité. Non, non, l'âge. Quand j'avais 20 ans, man, j'avais le double de tune, je savais tout par cœur. Non, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Non, non, mais c'était vraiment bien essayé. Moi, jusqu'au bout, j'ai écrit. Je suis amené, j'ai délité à moitié parce que je fournissais plus à la demande. Bon, sinon, c'est ça. Qui d'autre en demande une maintenant qu'on a fait plaisir aux auditeurs? Ben, faites ce que vous voulez. Ok, là, Bruno. Bruno, tu voulais les Jingle Cows? Ouais, je voulais les Jingle Bells Cows. Jingle Bell Cows? Jingle ouais. Cow Bells? Non, ouais. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même affaire. C'est ça, c'est pas des cloches à vaches de Noël, c'est des vaches qui chantent Jingle, chantent Bell. Jingle Bell. Mais ici, la tune que j'avais apportée, moi, c'est We Wish You a Mooey Christmas. Mm. Et puis ça, j'avoue, je l'ai dit dans le spécial de Noël samedi. Quel spécial? De Noël, okay. Je sais pas si vous étiez là. J'ai été très déçu de l'album des Jingle Bell Cows. J'avais tellement d'espoir et de fébrilité quand Predge m'a apporté ça. J'avais super hâte de l'écouter parce qu'en plus, c'est marqué dessus 100% real life cows mooing. Oh. Puis là, je me disais, ça va être aussi hot que les Jingle Cats, tu sais, puis ça va être capoté. Aussi, ouais, aussi. Puis ouais. Finalement, non. C'est très peu crédible que c'est des vraies vaches. Fait que voilà, je pars ça. C'est dommage. Okay, ben, qu'on connaît plus les vraies vaches, dans le fond. Ouais, mais c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas discuté avec une vache. Mais là, c'est le temps des fêtes, hein. Je devrais avoir ma belle famille. Ça, c'est une vache, ça? Ça, c'est comme une vache. Pas une vache, ça. Ah non, c'est ça. Elle a un casio. Non. Celle-là... Ah ouais, celle-là, ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. Ben, ce qu'ils disent, c'est pas que toutes les vaches, c'est des vaches. C'est que les vaches qui sont vraies à 100% sont vraies. C'est ça. C'est comme c'est le bœuf. C'est comme le bœuf pur à 100%. Ouais. Exact, c'est ça. Il y a du bœuf pur à 100% dans nos ingrédients. Ouais. Fait de bœuf pur à 100%. Mais ce qui est intéressant de l'album, c'est pas vraiment de l'écouter, c'est de lire les titres qu'ils ont donné au groupe de vaches qui chantent chacune des tunes, parce que c'est pas les mêmes vaches apparemment. Donc on a Mutu, également Black Angus, Chocolate Milk, Nine Inch Hooves, The Moomin Tabernacle Choir, qui est celle qu'on entend en ce moment, Jersey's in the Hood, Cream. Pensez-y. Ah. The Utterly Brothers, The Stay Cats. Voyons, c'est assez. Puis Tchaikovsky. Oh. Ah! Oh, il est distingué, ce nom. Il a nicely done. Moutalika. Moutalika. Écoute, les possibilités s'arrêtent pas. Mais le disque lui-même est super plate, achetez jamais ça. Ben oui, ben oui, d'habitude, tout le monde m'a acheté des disques desquels tu parles. Habituellement, les gens se garochent. Ben oui, je reçois des appels. Iso One t'a vendu plein de disques après que t'en ailles parler. Ben, William Shatner. Est-ce qu'il est disponible sur Iso One, le disque de Jingle? Probablement pas, je serais extrêmement surpris, mais on sait jamais. Mais toi, tu l'as pas mis. Moi, non, moi, je fais pas ça, moi. Moi, je suis un leecher. J'ai des principes, moi, monsieur. Ben non, c'est vrai. C'est des beaux prêts. Ouais, merci. Hey, ben pendant qu'il y a ça en background et qu'Israël n'est pas là, je pense que je vais lire ici. Ils nous avaient laissé la semaine passée, ceux qui. C'est vrai. Du gars qui sont bizarres. Le SAV, ils nous avaient laissé des lettres et puis donc c'était tout plié vintage avec du triangle, on voit là. Sur le dessus, il y a à mon petit fumeur de potes préféré de Tanael. Tanae, je pense. Tanae. Tanae, qu'est-ce que c'est? De Manu qui t'aime, je te dévore, je t'aime. Je t'adore, Colin, je suis tout émoustillé, cette valeur, ça soit pas pour moi, ça soit pour 15 ans, là, mais bon. Ouais. Salut Zaza. Je m'ennuie de la journée. Ouais, ça c'était le fun de la journée, là. Je m'ennuie de la journée de sa vache. Moi, non, mais je pense que non, ça se lit pas de même, ça. T'as-tu vu, il y a deux couleurs, là? Ah, ok. Ouais, non. C'est ça. Oh, ben, c'est compliqué. Oh, misère, j'ai c'est pas vu le code. Ok, ouais. J'ai le bleu pâle parce que, en tout cas... Il y a deux couleurs, il y a du bleu pâle et il y a du turquoise. Alors... Salut Zaza, sa vache, moi et bœuf. Il est 10h49 et je t'écris à l'aide d'une petite crise de veilleuse qui éclaire orange. Je sais pas, mais j'ai l'impression de t'avoir déjà écrit ça à un moment donné. On a l'impression de l'avoir déjà lu. Ouais. Si, ouais. J'ai super hâte à demain. Je t'aime full gros. Gros comme ça, pis ça. C'est gros comme l'univers. Je t'aime super gros, je t'aime gros comme ça, pis ça, c'est gros comme l'univers. Wow. Ça marche. Tantôt, j'ai de la misère à les... J'ai eu... OK, elle a écrit U-U-E. Ah, j'ai you. J'ai you de la misère à lire ta lettre, mais c'est l'intention qui compte. Puis ça m'a fait quelque chose à faire ce soir. Une vie bien remplie. Ben ouais. T'avais pas à TV. Hein? Est-ce que tu dois avoir de la misère à comprendre ce que j'écris? Ben oui. Hein? Chris, oui. Quel visionnaire. Bonne chance dans la lecture de cette lettre. Les bleus au tofu. Manu, 3X et 3 quarts au Jelly Bean. Ok, d'abord un X au cannabis. Mais là, c'est pas fini. Non, parce que j'ai lu la moitié seulement. Oh. Là, il y a la moitié bleue. Je m'ennuie de la journée de samedi. J'espère que t'as compris comment lire cette style lettre-là. Ah oui, finalement. Ouais, merci Bruno. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ça. Parce que tu dois chier des tacs. Smart. Il faut lire entre les lignes. On a un long congé de 4 jours. J'espère qu'on va souvent se voir. Je m'ennuie de toi. J'ai une journée où il n'y a rien la première période. Que je travaille, excuse, j'ai pas vraiment pas que c'est à dire. À part que je veux faire ma vie avec toi. Je veux me marier avec toi. Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire. Puis que j'aime toi beaucoup, je t'adore. Les mauves au jello, là, donnent des becs, là. Les bleus sont au tofu. Ouais. Sont-tu mariés, finalement? Je pense que oui. C'est mariés, comme ça que ils ont ça eu s'est 3 terminé. Enfants, ils sont c'est divorcés. Exactement comme ça que ça s'est terminé. Ouais. Donc, c'était la lettre de Noël. On voit que l'amour est encore possible dans ce monde où tout était est gris. Était encore possible il y a 15 ans. Ouais. Qui sait aujourd'hui? Je demande un update. Un clip, merci Israël. Ouais, merci Israël. On va aller voir sur TikTok. Ça, c'est génocidatique, là, de GM. Ouais. Génocidatique. À douteux.tv. Ouais! Ouais, ça va prendre un pep talk à l'interne, là, pour moi. Comme chez Walmart. Va-t'en pas. Dis-moi ce qui te ferait sourire. J'suis le génie de tes désirs. Cache-toi pas, j'ai ben trop de choses à te dire. Bien que j't'amène dans mon empire. Hey, sauve-toi pas. Donne-moi mon bec avant de partir. T'as toujours su comment me séduire. Tiens, v'là tes fleurs. Je les avais cachées dans l'armoire. Pensais-tu que t'en sauverais à soi? Qu'à chaque chose j'en viens pas. J'aime assez ça me coller sur toi en écoutant nos émissions préférées. J'suis toujours en manque de ta bouche dorée. Hey, sauve-toi pas, donne-moi mon bec avant de partir. su comment séduire. Tiens, là tes fleurs, je les avais cachées dans l'armoire. Pensais-tu t'en sauver à soi? Laisse-moi te goûter. T'es vraiment la plus belle, ma femelle à moi. Quand je te regarde, je m'entends. Bonjour les enfants, venez, approchez-vous, tout autour de moi, croisez les jambes, si vous voulez bien, on va chanter, on va faire des boum boum boum, des ding ding dong. Je vous aime, vous savez. J'ai pas besoin de vous le dire encore. Comme le... C'est un peu là. Dans le bon ordre maintenant. De Noël. Ok, alors, c'est ça, la semaine passée, j'étais pas là parce que j'étais supposé faire un dossier sur Gastoun, ton mère. Puis là, j'étais à la bibliothèque lundi matin avant. Puis là, finalement, j'ai réalisé que c'était fermé les bibliothèques le lundi. Sais-tu quoi? Non seulement c'est fermé les bibliothèques. Non seulement c'est fermé les bibliothèques le lundi, mais en plus, ils ont même pas de slot à l'intérieur de la station de métro pour laisser tes retours le lundi. Non, les slots sont sortent dehors et ouais. T'ailles faire à l'autre slot. Okay, les slots sont dehors. Les slots sont en congé le lundi, c'est ça l'idée. Ça doit être pour ceux qui ferment. Exploser le métro, ça doit avoir rapport avec ça. Fait que là, le lendemain, je suis allé pour aller chercher mon Gastoun pour pouvoir faire un dossier pour Gastoun aujourd'hui. Puis là, je suis arrivé là-bas et il l'avait perdu. Il avait perdu Gastoun. Ils ont perdu Gastoun. Quelqu'un l'a volé, là, c'est sûr. Mais là, ils m'ont contacté. Pour moi, c'est quelqu'un qui te met des bâtons dans les roues. Quelqu'un, la bibliothèque, m'a contacté ce matin pour dire que là, ils l'ont retrouvé. Ah, okay. Fait que là, maintenant, ils vont avoir un dossier sur Gastoun. C'est bon. C'est bon. On espère. C'est ça, c'était mon anecdote. 2 minutes de fête. C'est bien parti. Alors, de Noël. Sinon, pour compenser, à la place, j'ai fait un review de jeux vidéo basé sur des bandes dessinées franco-belges. On les. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de reviews de jeux vidéo sur Internet, fait qu'on va faire ça. C'est vrai. Si j'aime une BD, c'est certain que je vais aimer tous les produits dérivés qui l'accompagnent. On a vu que si Gaston fonctionne bien en BD, ça va bien fonctionner aussi en film ou en musique. Ben oui. Malheureusement, à ce que je sache, il n'y a pas de jeu Gaston, mais ça, faut jamais dire jamais. Mais plusieurs séries franco-belges ont eu le traitement de jeux vidéo qui n'ont malheureusement pu égayer que les petits Européens. Tout le monde sait par contre qu'on peut downloader des émulateurs pour les essayer, mais on va faire semblant que non. Alors, commencer avec Is No Good au PS1. Alors, vas-y, Fred, quand t'es prêt. T'as des séquences d'Is No Good au PS1? Ouais, ouais. C'est pas... Oh, man. Alors voilà, Is No Good. Qui dit Calif à la place du Calif dit Side-Scroller Poche. Et c'est Aladdin, man. Dans le jeu... Oui, ça me fait penser à Aladdin, en fait. Dans le jeu Is No Good, sorti pour le PC et le PlayStation 1, on semble incarner le vilain vizir dans son univers coloré. Très fidèle à la BD, on se promène de gauche à droite pour y ramasser des scènes. Scènes qui vont, j'imagine, lui permettre de devenir Calif à la place du Calif. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air califement plate. Califement plate. Ça plate en calif. C'est toi qui l'as fait. Si vous l'avez entendu ici. Trademark Dermatché. Voilà. Si tu veux le mettre à 45 secondes, s'il y a un bug, je pense que c'est là, dans le fond. Ouais, il y a un bug ici où est-ce qu'il peut pas rentrer. Puis là, ça. C'est pas votre vidéo qui lag à la maison, c'est vraiment ça le jeu. C'est parce qu'il peut ça se termine comme ça, le jeu. Non, ben, ça, c'est le boss de la fin, ce mur-là. C'est sûr que c'est pas facile de devenir calife après ce calife. Il peut pas y arriver. Il y a des fois que c'est même pas une. Qu'est-ce qu'il pitch quand il tue des gardes? Je sais pas vraiment. Ça a l'air des scènes, ça aussi. C'est très sanglant comme jeu, on dirait. Ça, c'est classé M, ça. Ça aurait été vraiment fidèle, ça avait été sanglant. Ça avait été un jeu. Mais bon, à la place. On voit rarement des gens mourir. Les gardes travaille pour lui dans la bande dessinée. Ouais, c'est mais, ça, mais bon, pas là. Il lance des scènes. Ouais, il relance ses propres scènes, on va le compter. Il habite sa richesse. C'est à ça que les scènes servent. Ah, voilà. Alors, je salue tout de même son auteur Tabari, surtout reconnu pour Totoche ou Grabadu et Gabelli Ouchtou, qui nous a quittés cette année. Un des derniers grands du 9e art. Je me souviendrai toujours de lui pour le jeu vidéo de Snow Good. Ça, c'est un autre jeu vidéo. Ah, shit, mon gars. Il a de la rate en PlayStation 1. Ah, voilà. On continue avec Astérix maintenant. Astérix, il y en a quelques-uns, en fait. Moi, j'ai arrêté mon choix sur. Bon, non, comment c'est ça? On se souvient qu'Astérix est venu dans notre coin, dans l'album La Grande Traversée, adapté en dessin animé avec l'indigeste Astérix et les Indiens. Mais avec on oublie. Mais on oublie trop souvent son voyage à Las Vegas, immortalisé dans le jeu vidéo de PlayStation 2, Astérix et Obélix XXL2, mission Las Vegas. Ben voyons donc, tabarnak! Jeu inspiré d'aucun album, cette aventure inédite et à l'épreuve du temps nous ramène à l'époque. de Las Vegas, 50 ans avant Jésus-Christ. Oui, J'imagine qu'on peut incarner Astérix et Obélix, mais pas Lucky Luke, puis que c'est inoubliable. Alors, Goscinny peut dormir tranquille sous son patrimoine et tant entre bonnes mains. Après ça, mon coup de cœur, Tintin au Tibet. Barnac, man. Tintin au Tibet, l'auteur de Ricochet, je le rappelle. Alors, je dois souligner l'audace de faire un jeu vidéo avec... Attends, je pense que tu sautais le début, c'est comme le vidéo du début, genre. Ouais, voilà. Dois souligner l'audace de faire un jeu vidéo avec l'album préféré d'Hergé, un de ceux qui ne comprend le moins d'action. En fait, il fait partie des deux seuls albums qui ne comprend aucun antagoniste avec les bijoux de la Castafiore. Spoiler alert, c'était la pie qui a volé les bijoux. Ouais. Alors, idéal pour un jeu vidéo avec des boss battles puis une barre d'énergie. Alors, on peut voir qu'au début, c'est ça, tu évites des gens. Oui, c'est ça. Des gens pressés. Là, tu peux parler des gens. Ouais. Oh, tu peux mener l'enquête. Ouais, mais les graphiques sont beaux quand même. Mais par où dois-je aller? Vers la droite. Ouais. Oui, toujours. Gauche à droite, ça se maintient. Fait que c'est ça, au début, t'évites. Après ça, avant ça, à peu près 1 minute 50. Attends, il n'y a pas... Oh, man! Ben, tu peux le mettre au complet. Parce que... Oh, man! J'étais en train de mourir! Ben, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'ennemi dans la BD. Fait que là, maintenant, ici, il y a lui qui évite des bouts de bois dans l'eau. Aussi, tu peux l'avancer à 2 minutes 35 à peu près. Après ça, il est là, il explique. En fait, finalement, le début, c'était quand il a rencontré Chang dans le cigare du pharaon, ou le tutu bleu, pardon. Fait que ça fait que tu sauves Chang deux fois plutôt qu'une dans le jeu. Ah, là, après ça, ben vu qu'il n'y a rien d'autre qui se passe, ben là, si c'est un tableau, est-ce que tu vas chercher la lettre de Chang? Oh, fallait que tu évites le bonhomme. Là, il est mort. Il est mort? Ben oui. Parce il a percuté un serveur. Il a percuté un serveur, c'est ça. Il y a vraiment un tableau où tu vas chercher la lettre en bas, comme au début. OK, puis là, les serveurs, ça le tue. Ah oui. Vu que lui, ben, il faut qu'il fasse attention là. Il faut qu'il pour pas manger à torpille d'en face. C'est ça, avant ça, 4-5 minutes, je vais le noter, j'ai bien fait ça. Après qu'il est allé chercher la lettre, il va la reporter au Capitaine Haddock. Puis après ça, le tableau suivant, c'est d'aller jusqu'à la télé, sous le même principe encore, aller jusqu'à la télé où il voit l'écrasement d'avion de Chang. Fait qu'ils ont vraiment réussi à faire un jeu vidéo avec rien du tout. Ouais, c'est super beau. Un jeu vidéo, mais avec des bons moyens. Je trouve beau le jeu. Là, ce bout-là, c'est bon, là, jusqu'à présent. Là, depuis qu'il a évité les deux premiers serveurs, là, ça sert à rien. En NPD. Avant ça, 6-7 minutes. Il n'y avait pas de méchant, il n'y avait pas de challenge. Après ça, il est rendu à... Je l'avais noté au Népal à Katmandou. Ok, fait que là la roya qui balançait puis il fait mal, t'évites encore du monde puis des choses bien. Ça fait ça, la vidéo finie, il peut pas regarder les autres, mais on comprend l'idée. Alors voilà, ça, tu m'enverras le lien de ça parce que ça s'écoute comme un film, sérieusement. C'est comme pourquoi faire un film quand il y en a un là. Oui, il y a ça. Pour compléter ça, les Tintins, rapidement, j'en ai une autre vidéo que je pense juste appeler Tintin. Dans le même esprit, en bonus, avançons encore de 30-40 secondes. Tintin au PlayStation 1. C'est-tu le nom de l'album, ça? Le jeu s'appelle Tintin. Je pense Tintin Mission Aventure, je sais plus. Mission Aventure. Nous sommes à la recherche d'aventure, nous avons cherché partout. Elle est en portugais, la vidéo, mais bon. S'il y a des jeux vidéo qui vieillissent bien, c'est bien ceux de PlayStation 1. On peut ici voir la fameuse fois où Tintin courait dans le bois pour pogner des têtes de Milou. C'est un peu plus tard, parce qu'il y a des scènes têtes de Milou, garçon, là, ici. Là. Fait que là, tu sais, ramasse ça. Collect as many têtes de Milou as you can. On ne peut pas écrire jeu de plateforme sans écrire plate. Il faut faire attention pour ne pas s'enfarger dans des bouts de bois. Hein. Même temps que moi. C'est ça. Ouais, là, il y a plus de challenges. C'était drôle, cette joke-là. C'était bon, hein? Mais bon, je l'ai manqué. Parce que Je vais réécouter l'émission tantôt. Bon, c'est correct. Dans la catégorie, j'en ai vraiment long à dire là-dessus. On a les Schtroumpfs au Game Boy. Un incontournable de la grosse console grise au graphique vert et brun. Les Schtroumpfs est un jeu de plateforme qui nous met pas mal dans la peau du Schtroumpf qu'on veut. Résume. Donc, ouais, il y a eu de la musique, peut-être. Donc, moi, je dis que c'est le Schtroumpf traître qu'on a créé ici. Oui, ça. Mais tu peux faire le Schtroumpf que tu veux, finalement. Alors, je sais pas, le Schtroumpf mendiant. Moi, je la joue à difficile. Schtroumpf ambitieux. Le Schtroumpf mendiant. Le Schtroumpf difficile. En tout cas, tout ça reste plus fun que jouer au jeu. Le Schtroumpf crackle. Oui. Alors, le jeu consiste à aller de gauche à droite dans la forêt. En évitant les champignons. On peut aller dans des troncs d'arbres. Comme si c'était des tuyaux et que t'étais un plombier. Mettons. D'après moi, le dernier tableau est probablement le château de Gargamel, mais j'ai pas vérifié. Il y a quand même des backgrounds pour un jeu de Game Boy. Le Game Boy, ouais, quand même. Ça a l'air d'être un des moins plates que tu nous as présenté à date. Ouais. Je jouerais à ça, moi. Oh, il y avait un Schtroumpf noir. Le pire, c'est que la plupart, je jouerais dans le fond. C'est toutes plates, c'est toutes des rip-offs de meilleurs jeux de plateforme. Peut-être pas celui d'Astérix, Las Vegas. Las Vegas. En terminant... Ouais, t'es mieux de pogner un power-up à un moment donné, Spyro, parce qu'à date, c'était 8 fois la Spyro même. The Robot Invasion. Ah. Un autre incontournable auquel j'ai beaucoup à dire. Spyro au Game Boy Color, qui reproduit finalement l'univers de Franquin avec seulement 8 couleurs. Oui. c'est le gameplay de Megaman avec les graphiques de Pong, charme des deux en moins. tu suis Spyro, j'imagine, pis ça doit être contre des robots, d'après le titre. Alors, dans une usine de robots. Ouais, il doit avoir, tu sais, là, la fille dans Spyro qui est un robot qui a les cheveux gris, cotine. Là. Ouais. Non, c'est Cotine et Finn, c'est Cyanure. Cyanure, voilà. Qu'on voit dans un album, mais que dans la dessin animé, c'était elle tout le temps. Ouais. Alors, on se souvient. Oui, c'était bon. Les robots, l'éternel ennemi du sympathique Groom, on se souvient. Alors, sortez votre carte de crédit, achetez-vous un Game Boy Color, puis ce jeu-là, c'est eBay, attendez qu'il arrive, puis crissez ça au vidange, je vais mériter mieux que ça. On ramasse des S de Spyro. Oui, des S de Spyro. C'est quasiment la même interface que Mario Bros. 3 en bas. Hein, on... J'ai oublié de dire ça tantôt par rapport au jeu de Tintin au Tibet. On se souvient que Tintin au Tibet avait été inspiré par les cauchemars récurrents d'Hergé de l'époque. Puis je pense que les cauchemars récurrents d'Hergé de l'époque auraient fait un meilleur jeu vidéo, en fait. Ça a été plus intéressant. Qu'est-ce que tu penses que ça aurait fait comme jeu vidéo, Mathieu? Ben, ça aurait fait quelque chose avec le Capitaine Haddock, beaucoup. Un affaire cauchemar. Ouais, ça aurait été hot. Ça aurait été hot de voir le Capitaine Haddock crier. Les cauchemars d'Hergé, moi, je dirais, genre, comme ça aurait fait une série de BD avec un personnage principal intéressant. Ouais, ça l'aurait déboussolé, ouais. Ouais. Comme Cookie Flip. moi, je comprends. C'était bien baveux, on a compris. Mais... voilà, c'était mes suggestions de jeux vidéo de Noël, sans défaire de Noël. Ouais, c'est vraiment un beau dossier, man. Tu nous alors, toutes des suggestions de Noël. Toutes des suggestions cadeaux de Noël, tous ces jeux. De Noël, effectivement. Encore 5 jours pour acheter vos cadeaux, si vous nous écoutez en direct. Alors, pour un ennemi ou pour un cadeau d'échange de bureau, j'espère que vous avez pris des notes. On fait ça un échange de bureaux cette année? Moi, je ne veux pas ça au parking. Dire, au là, sein de douteux? Non, on fait juste échanger nos bureaux. Là. Hey, ça va en terminant, bien. J'ai un petit bonus par rapport. Il faudra que tu, mettes le son sur celui-là, Brett. C'est le dernier. Je pense que j'ai écrit bonus ou pub, je suis pas sûr. En cherchant les images astériques, je suis tombé là-dessus. Puis je ne sais pas si vous l'avez, mais moi, je ne l'avais jamais vu avant. Au stade olympique, sous un chapiteau de 3000 places, érigé au cœur du plus grand parc intérieur de manège au monde et pour la première fois en Amérique. Il me fait plaisir de vous présenter le spectacle Astérix et Obélix au cirque. Imaginez Astérix et Obélix en chair et en os, tout à coup transportés au milieu de fauves, d'éléphants, de clowns et d'artistes de cirque. Et de Marie-Hélène. C'est une aventure qu'ils vous présenteront en personne. Et n'oubliez pas, ils auront pris leur potion magique. Parce qu'Obélix, il n'en prend pas de potion magique. Ouais, c'est ça. On sait pas quelle année, 25 décembre ou 3 janvier, mais je pense que ça fait au moins 20 ans. C'est après la mort de Goscinny, en tout cas. On se souviendra qu'on voit souvent des clowns dans l'univers d'Astérix. Ben oui, puis ils vont au cirque, en tout cas, au moins une fois, là, deux, trois même. Là, gladiateurs plus qu'une fois. Oh, oui, quand ils détruisent le cirque, puis quand il y a deux hommes pour conduire une 4 chevaux, mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Il y avait des jeux de mots dans ce temps-là. Merci bien gros, Bernatche. C'est super bon. Ouais, puis il va y en avoir d'autres, je pense, parce que j'ai découvert, finalement, j'y allais juste en tapant. Ils ont tous un jeu vidéo qui est en Europe, ils ont fait ça. Tu tapes Spirou, je sais pas qu'il y a un jeu vidéo de Spirou. Game Boy Color, j'avoue. Ça va revenir, genre. Mais ça doit être un petit peu la même phénomène qu'au cinéma présentement. Là. Genre, si t'as déjà une diégèse avec des fans, puis qui a fait ses preuves, ça coûte moins cher que de courir le risque de t'inventer une histoire avec un gentil et des méchants. C'est une propriété méchants, intellectuelle qui vaut cher de faire comme Tintin ou tout ça. Ouais, j'imagine. Ouais, Tintin. C'est ça, là. Vu que c'est bon, là, ils ont sorti un film. Spielberg. Pendant ça. Il paraît que ça a coûté bien cher. Puis qu'il est sur stream déjà. Attends, c'est vrai que c'est bon. Bon. Moi, ce que j'en ai entendu dire sérieusement, c'est que c'est un bon film, mais que c'est pas du tout fidèle à l'esprit des livres de Tintin d'aucune façon. Bon, que c'est un bon film en soi si tu vas pas là pour revoir le Tintin que tu connais. Non, je pense que c'est un bon film si tu vas là. Moi, peut juste être fidèle à Tintin si tu mets des faces en bas puis une bulle ça de grosse en haut. Ouais, carré. Avec les coins travaillés. Ouais. C'est ça. Puis ça va être difficile au cinéma vu qu'on voit jamais de phylactère. C'est vrai, c'est ça qui est. Tintin sans les bulles ça de grosse puis deux petites têtes en bas qui parlent. Hey, des fois, t'as même le speech de la radio avec pour la phrase du milieu qui veut dire de la marmite. Il y a tout le temps aussi de quoi qui tient en haleine en bas de la page. Ça, c'est vrai. C'était bon, ça. Horreur! Non! Plus c'est le chat qui a renversé le musique. Je n'ai pourtant pas la berlue! On s'est demandé l'autre fois, c'est-tu Nestor ou le professeur Tournesol qui a l'air le plus gay de tous les personnages, selon vous? Ben, Nestor, le professeur Tournesol trouve Castafiore de son goût. Ouais, c'est Nestor, ouais. Professeur Tournesol, il est atteint de démence, il a l'air de normal amour. Je pense que c'est son jeu. Je pense qu'il joue l'innocent, mais qu'il sait très bien ce qu'il cherche avec son pendule en regardant tout en bas, puis en faisant le petit faible qui prend le top. C'est la première d'une longue chaîne de boules chinoises, tu penses? Ben, qui suis-je pour juger le Tournesol? Ouais. Elle fume ta chronique à soi. Chinoise dans le Tournesol. Je parlais des chitros pour Game Boy. Mais bon, je pense que c'est 70%. Je pense que tout le monde aimerait bien manger la graine de tournesol. Merci. Ouais, c'est correct. Ouais. C'est une très bonne façon de terminer cette chronique. Et voilà. Hey, ça va être un clip de Noël ou une toune de Noël? Pas de Noël, mais dans une église. Ah, un clip dans une église, me dit-on. Et voilà. Quoi? Miyugi-san. Un Islandais à 70%. Il y a Björk puis lui. La télé de la scène de Noël. TV. Le feu de la passion. I try to acquire On est live, vas-y Fred, raconte-nous deux flirts de Noël. Ouais, deux cours puis un que c'est l'ami à Bernadette. On va revenir pour la fin pour l'autre. Ouais, ouais, ça va faire une grosse discussion. Deux short and sweet d'abord, donc on commence avec Inconnu Barbu. En direction à Guignon, aux environs de 18h le 1er décembre. Cheveux bruns bouclés, écouteurs Shure et une jolie barbe. Je t'ai fixé durant 10 stations. Mon dieu, c'est creepy. Ouais, c'est... C'était moi la folle. Pas 8, pas 12. Tu étais trop absorbé par ta musique et ton journal. Tu es beau, simplement, de Milisha. Milisha. Ah, c'est sûr qu'elle va le retrouver. Ensuite, on a François. Salut François, c'est moi, _. C'est un super bon nom. Oui. C'est un nom de variable à proscrire, je le rappelle à mes étudiants. Sache que je suis folle de toi. Le mois passé, tu m'as demandé d'aller au bal avec toi, mais j'ai dit non aux trois demandes que tu m'as fait. Chris de con. Malgré qu'il est folle de lui, là. Mais vraiment. Je m'en veux terriblement, car j'aurais dû dire oui. Ah, oui. Ouais. Fait que là, je me reprends en l'écrivant dans le métro flirt. Ah, bah. Way to go, innocent. Dernière chance, hein. Puis l'autre, il a demandé trois fois. En plus, là. Comment, désespéré. Tu mérites pas de vivre. Suicide-toi maintenant. À 70%, la télé des délaissés. On vient d'en tuer un autre. Non, mais comment ça? On vient d'en... Pink, là, ça prendrait un chiffre qui passe de 4 à 5. Tu es tellement beau, grand et full intelligent. Sache que les cours de monde contemporain seraient full nul sans toi. Full. Je t'adore, François. J'espère de tout mon cœur que ton offre tient toujours à propos du bal. Je t'adore. Full. De Julie en Ligue Geek, donc J-U-1-I-3. Les guillemets dont vous êtes le héros. Voilà. C'est superbe. Bravo. Ah ouais, merci beaucoup, Fred. Ouh, ouais, on a une dernière tantôt. C'est celle de Nicolas, l'ami à Bernatchez, qui a écrit. Fournier Larocque, co-animateur de Décidéra, je crois. Voilà. Moi, c'est ce jour-là. C'est un peu plus long, mais on avait dit qu'on n'en parlait plus. Mais tout le monde en parle. Ah non, c'est vrai, on a dit qu'il n'y a rien qu'on en parlait. C'est parlé. Le meilleur show de choc à télé ou avec les mystérieux étonnants. Ah, on a des updates. Si vous voulez l'annoncer, on passe la rediffusion du show Noël des mystérieux après. Ouais, oh, je sais pas, il va y avoir la rediffusion du show de Noël des Mystérieux Étonnants, mais pour l'instant, ça va être Étienne, tu vas partir une autre toune de Noël qui va être le choix de Mathieu. Puis oui. Mathieu, ben toi, tu vas pouvoir faire ta chronique de Noël après. Par-dessus ou par-dessus, man. Ouais, ben moi, écoute, moi, je vais prendre un Fernand Gignac, hein, avec Minuit Chrétien. Ah ben ça, c'est un très bon album de Noël, l'album de Noël de Fernand Gignac. C'est ça, j'avais le goût d'un vibrato. Il est né vieux, je crois, lui. Pas tout à fait. Je vais le prouver tantôt. J'ai apporté des pochettes. Bon, ben, en tout cas, c'est bien mieux de... Il est parti, je pense. Il est parti, nous, on l'entend pas. On l'entend pas, ouais. Et voilà. Ce qui est drôle avec Fernand Gignac, c'est que... Il est jamais faux. Ben, c'est juste de chanter, de le chanter, c'est de le parodier, mettons. Ben oui, ben ça, c'est sûr. Ça, c'est... Tu peux pas l'inventer. Dieu est son âme. Ah oui. Pauvre Fernand. Le démon est son âme. Il nous a quitté trop tôt. En tout cas, pourvu qu'il y ait du fun. Ce gars-là, il a eu l'air de 75 ans, une bonne partie de sa vie, puis il est mort à 63. Eh oui. Ben ouais. Ah ouais. Mais depuis que je suis jeune, moi, je pense qu'il est mort. Trivia, hein? Ben ouais. C'est comme Janine Souto, tu sais. L'as-tu déjà vu, jeune? Non, c'est ça, pas vraiment. Ben, dans Saint-Forien, comme. Ouais, elle a l'air comme déjà ma tante un peu. C'est-tu ta chronique? Que sont-ils devenus, ça? Ça faisait longtemps. Ouais, ben non, pas vraiment, parce que lui, tout le monde le sait qu'il est mort. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plate. Faut que ça soit un punch. Ça soit le punch, c'est ça. Exact. As-tu compris? Ah, Fernand, tu me manques. Fait que sur Fernand, laisse-toi aller, Mathieu. Ah, c'est moi? Ben oui. Ah oui. Ben là, ben, fait que c'est une hors-série cette semaine. Mon fils a pas fait de dessin. Oh, est-ce que c'est ça, là? Oh. Ah non, mais ben, c'est... Non, non, mais en fait, mon fils, il en a fait un, mais là, je voulais le prendre. Puis là, en tout cas, il est arrivé quelque chose avec... j'étais dans la cuisine, j'étais en train de faire la vaisselle. Puis là, il m'a comme tassé. Là, j'ai dit mon tabarnak, là, j'ai tapé dessus. Il est tombé de l'eau de vaisselle sur le dessin. Le dessin s'est tout déchiré, il s'est mis à pleurer, j'ai tapé plus fort. En tout cas, je suis arrivé en retard, c'est à cause de ça. Ok. Ben là, mais il avait couru après. Il avait couru après. Clairement. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais. T'as bien fait. C'est comme la fille tantôt dans le métro. J'ai vu une fille, elle avait une jupe, une super belle jupe. J'étais là, calice, elle fait ça pour moi. J'étais allé la voir, puis là, elle capotait. Hey, touche-moi pas, Chris. Maudite charrue. Ça me fait. Ouais, ouais, des salopes. Oui. C'est la gasse de les filles. Là, j'ai amené des souvenirs parce que moi ça c'est un cadeau de mes parents qui m'ont donné ça. Ah oui, l'excellent album des Grandes Gueules. L'excellent album des Grandes Gueules, le premier si je ne m'abuse, parce qu'il y en ils se sont commis. Fait que à plusieurs reprises. J'ai reçu ça, je pense, à Noël. C'est la pochette. Vol 943. Dans les dialogues aussi, c'est excellent. Ça doit, hein? C'est super bon. Vol 94. Yeah. Ah oui, 943. Fait que ça, c'est dans le temps qu'ils étaient populaires. Puis, oui. Malheureusement, j'ai aussi ça période. Aussi. Ça, j'ai aucune tabarnak d'idée, c'est quoi? C'est Redé et Rochon. j'ai payé ça une pièce. Il y a des chansons comme Le Chat. C'est vraiment comme le chat. Le chien. Sans le dire, je m'ennuie de toi. Et si, en parenthèse, par hasard. Fait que, en tout cas, c'est de la musique de clavier, de drôle. C'est des drôles d'années, hein. 94, au Québec, c'était spécial. Fait que, c'est ça. Ouais, je trouve ça pas pire ici. Il remercie dans les remerciements. Il y a Gilles Prou. Wow, il y a Stevie Wonder, merci pour ta confiance aveugle. Il y a Mario Lirette pour nous avoir communiqué son amour de la radio. Oui. José Lito Michaud est remercié par pour avoir la gueule. Ben, c'est lui qui a parti leur carrière pour vrai. Ah ouais? Oh, ouais, j'ai vu ça à. C'est de sa faute, ça. Un train et, pour et mourir. Et le. En tout cas. Je suis rendu dommage découragé. Après, il y a Patrick Bourgeois qui s'occupe de faire la musique encore. Absolument. Ben, je dis encore parce que c'est lui qui faisait les tunes de Rock et Belles Oreilles. Ouais, aussi. Mais il était meilleur avec Rock et Belles Oreilles. Ouais, je te dirais qu'il a pogné de quoi. Tu veux dire Capor. Bon, je pense qu'il leur a donné du vieux stock. Mais je veux pas. Il est avec donc, Patrick Bourgeois qui s'est Patrick mis partout, Bourgeois. C'est ce qu'on apprend. Ben écoute, voilà Patrick, les bébés en Patrick, finale. Ça, écoute, voilà. Ça c'est un classique. Puis comme tu peux quand voir, même. Quand j'étais au secondaire... Tu peux avoir un sticker 2$ dessus. Non, mais c'est ça. Je l'ai payé 1$, mais il était en spécial à 2$. Oh. Il avait été 5$ avant, si tu regardes. 7,99$, en tout cas. quand j'étais adolescent, je fumais du weed à l'allumette. C'est ça que ça fait. Ouais, voilà. C'était ici, donc. Allez, pas faux coûte. Hein. Tu pèses ses bébés, hein. Comment? Tu trippais ses bébés. Pas mal, tu sais. Mais j'avais les cheveux longs, je voyais pas dans, dans, je voyais pas en avant. C'était spécial. Ça, c'est Snow. Informer. Oh, ouais, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Maman, yeah. Lock me up and I can't do a thing. Wake up, maman, one more time. C'est lyrics, c'est juste des lettres une après l'autre. C'est super bon. 12 inches of prétention. Après ça, ben, je t'ai amené une cassette. Ça, c'est, il y en a qui ont des livres de chevet. Moi, c'est un VHS de chevet. C'est Valentine Vidéo. C'est Batman et Rocco Go to Montréal. Je sais pas si tu connais Batman. C'est un, ouais. Il est très connu dans le milieu. Sur le côté, par en arrière, par en avant. Tu sais, Rocco aussi. Rocco, c'est monsieur, je suis. Ils viennent à Montréal, dans un taxi, dans un parc, dans un bar. Ils viennent pas mal partout à Montréal. C'est pas mal, ça. Des rencontres. Mais ils viennent surtout dans Batman à Montréal. Dans, ouais, ben, ouais. C'est, ouais. Puis il y a une scène mythique avec Tangerine Dream. Oh. Et pour ceux qui savent pas c'est quoi de la peau d'orange, ça vaut la peine. C'est magnifique. Fait que ça, c'est quoi? C'est une pile de cadeaux que t'amènes ici pour les amis du musée? Ça, non, ouais, ça, c'est à moi. Okay. C'est ma collection. Je viens juste flasher ton stuff. Ouais, ouais. Non, mais je viens te parler de mes souvenirs, en fait. Parce okay. que tout ça est rattaché aux souvenirs de mes amis. C'est tous des cadeaux que j'ai reçus. Des t'sais. Affaires de Noël. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, garde, ça, c'est un de mes amis qui m'a donné ça, cette cassette-là, en me disant ma blonde a trouvé mes affaires de cul, je t'ai donné. Sketch. Fait que j'ai jamais écouté. Fait qu'elle pouvait pas partager ça. Il ça, pouvait pas partager ça avec sa blonde. Non, non. Valentine Vidéo, ça, quand même. Hein. C'est pas eux autres qui font la meilleure qualité. Hein. Écoute-moi si t'as aveu. Quelle gueule. C'est pas le niveau de Vivid, là. Hein. Non, c'est ça. Il y a des gros plans d'affaires dilatées. Mais peut-être que si t'es veux, je vais t'y laisser, mais pas le 10 des bébés. Pour vrai, je l'aime. Ben non, mais moi, j'ai rien, j'ai pas besoin. Je m'en encore à liste, tu ris de moi, j'ai pas d'orgueil. Tout cas, mais... Je parle dans ton dos, en fait. Ouais, je sais, clairement. Mario de Sabato, prophétie jusqu'à la fin du siècle. Ça, je pense que vous l'avez déjà vendu en plus. Ouais, ça a déjà passé par ici. Ça, pis c'est même pas le même en plus. C'est pour te dire comment est-ce que ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Rien que tout ça a été réalisé. Bon, on est en retard, en tout cas, un petit peu. Fait que, ouais, non, mais c'est ça, hein, ben regarde l'âge d'or en 97 pour les survivants. Fait qu'on a tous survécu à ce livre-là. Ah, ben c'est le fun. Puis lui, il fait tirer de lui, à ce temps. Je sais pas c'est qui, Mario de Sabato, mais regarde. Il s'est trompé d'une date, fait que ça va être pour... Je sais pas si tu peux le voir à la caméra, il fait comme une pyramide. Il fait 10, me semble. C'est clairement un homme mésard. Ah ouais, ouais, ouais, il est... Clairement, comme, il a des doigts. Il est métapsychique, là, avec des pouvoirs spéciaux. Là. Après ça, ben là, je sais pas, on peut passer peut-être à autre chose. Ça, c'est mon iPod Nano. On y croit? iPod. J'aime bien que juste avant, c'est... Non, mais c'est parce que je prenais... On peut passer à autre chose. Il sentait que, tu sais... Ah ben, c'est parce que avant je prenais Allostop, hein, j'allais à Québec souvent, puis les gens en revenaient pas. C'est dit, hein, c'est un dinosaure, tout. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. Je dis, moi aussi, je vais en avoir un à iPod Nano. Tu l'as eu. Fait que j'ai voilà. Tu as même un modèle unique. Et ça, voilà. Ça les a sûrement fait tous taire. Et voilà, le seul iPod Nano qui prend 4 batteries et qui dure 15 minutes. Au moins, tu peux échanger, ben, Lili. Ouais, mais ça vient lourd. Ouais. Ça, c'est une montre que mon cousin m'a donnée à ma fête de 17 ans. Saveur de cerise, orange et citron. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il voulait exactement me signifier comme... Probablement qu'il avait mangé des Fruit Loops le matin. Puis ça probablement, mais je pense que c'est ça. Je pense que ça allait dans une boîte de Fruit Loops. Probablement, oui. C'est pour te dire comment est-ce qu'on est pauvre dans ma famille. On se donne des cadeaux de boîtes de céréales. Dessus, il doit être écrit ça. C'est sûr que ça a été fait en Chine. Un vrai régal. C'est la place que ça naît. C'est comme la magie de Noël, elle naît en Chine. Ça, c'est le cadeau que j'ai eu quand j'avais 17 ans. Et mon cousin m'a offert une autre montre. Made in China. Ah ouais. À l'âge de 18 ans. Partir d'une collection, c'est ça. C'était ça qui était. De Muppet Movie. Je sais pas si tu peux voir. Ben celle-là, elle vient des produits Avant. Avant, parce que sa mère a vend des produits Avant. D'ailleurs, je la salue. Salut. Allez. Salut, mère. Bon, moi aussi, je la salue. Moi, ouais, salut là. Bon, ouais, fertile, c'est bon. Puis ben sinon, j'ai mon étui quand j'étais au secondaire. Ah, wow. Tu devais pas te faire péter à la gueule souvent. Oh, <Lynn. rire> Ben, tu sais, le... Il y a tout le temps, au secondaire, il y a tout le temps l'histoire du gars qui s'est battu avec une fille. Ouais, c'est toi, ça? C'est okay, moi. Ouais. Mais c'est toi qui as gagné. C'est moi. Parce que tu l'as l'étui à cette heure. J'y ai volé la crise, je la voulais. Si tu veux. Si tu regardes dedans, ben... C'est des crayons de plomb qu'on pogne à l'Halloween, là. C'est mes crayons du secondaire, en plus. C'est vraiment ridicule. Fait que c'est ça. Hey, bravo! Très content. Sinon, ah ben, gars, il reste ça. À nous, là, il reste beau. Ça. Ça, c'est le DVD qui m'a appris à jouer de la guitare. Ah, play rock guitar. Asti, ready, c'est Francis? Non, c'est pas Francis. Non. Ben là! Il ressemble. Mais t'écris que c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il est écrit, ce n'est pas Francis. Ce n'est pas Francis. Ce n'est pas Francis. Frédéric Reddy. C'est son frère. Ouais, c'est Frédéric Reddy. C'est sûr, c'est son frère. C'est lui qui a marché. Ça a marché, là. C'est spécial. Ouais, ça a marché pendant un bout. Play rock guitar, the ultimate. C'est Andy. Yeah. Adèle Ford. Elle adore. Ça, c'est quoi ça? C'est une autre surprise que tu nous as amenée. Ça, c'est ce qui m'a appris à jouer de la guitare. Ah ouais, pas vrai? Ouais. Ben non. Ben oui, je suis autodidacte. Ah. Ah. Eh ben. Non, mais c'est juste pour te montrer que dans la vie, quand tu peux, tu sais, tu regardes, là, va sur Internet. Il y a tout le temps moyen. C'est ça. Voilà. Et voilà. Belle leçon de vie, 9 piastres. Belle leçon de vie. Avec seulement 2 heures de leçon. Étienne, tu veux-tu choisir une toune de Noël sur laquelle lire ta lettre d'Israël? Ben ouais, donc, hein. Qu'est-ce que je mettrais bien, non, dans la toune de Noël? On a Bruno qui reste 2 nouvelles. Puis. Moi, j'ai des pochettes à montrer aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on va écouter les Expendables. Peut-être que la... Ben alors, on va aller regarder la bande-annonce de The Expendables 2. Moi, je l'ai pas encore vu, puis Bruno dit que c'est assez fabuleux. Ça a l'air d'être vraiment très, très bon. On l'a dédié à Gabrois. Voilà. Bien pensé, j'ai posé. Il joue pas dedans, d'ailleurs. Et je vous confirme que Frédéric Reddy est bel et bien le frère de Francis Reddy. Et voilà, c'est fait. Non, il joue pas dans Expendables 2 parce qu'il est pas Francis. C'est son frère. Ouais. Tabarnak. Ouais, c'est ça. Ils ont demandé à Breen Leboeuf, puis à Breen. Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? We are the ghosts that hide in the night. Loves playing in the jungle. Let's get down to business. We get out of here, it's a miracle. Time's up. Come on, let's see what you got. Be careful. I'm gonna kill him. Makes you stronger. Anything that gets in my way. The Expendables. Join the fight. Fan Expendables on Facebook. Alors, je crois que c'était la bande-annonce du premier film. Il est pas dans le 2, Mickey Rourke. On s'est trompé. On dira pas que c'est la faute de quelqu'un. C'est alors la on va faute de se faire un build-up. On est prêt, on va aller regarder la bande-annonce du deuxième Expendables pour vrai cette fois-là. Ouais. On finit un plus là. Alors, on va couper ça au montage. C'est drôle que ce soit pas à l'aventure. You made me a deal. I could have put you in the deepest, darkest hole, but I kept you out. Because I knew that one day would come when you were going to pay me back. And today's that day. Ça y est. J'ai hâte à l'été. Wow. Alors, c'est vraiment, moi, c'est vraiment pour le dialogue, ben, le monologue de Bruce Willis de Bruce au début, Willis, qui est tellement, qui est tellement, qui sonne tellement faux. Il l'a fait une fois, il l'a jamais répété, puis on dit c'est bon, on la garde parce que t'es Bruce Willis, fait que c'est correct. Même affaire que pour le premier film, finalement. Il est là-bas dans G.I. Joe 2 aussi, Bruce Willis. On le voit dans Bandit. Il est dans G.I. Joe 2. Ouais. Comme à la fin, comme c'est un gros punch en plus, c'est genre. Il y a comme The Rock qui parle avec quelqu'un, là, il n'y a plus personne qui on peut truster. The Rock aussi joue dans G.I. Joe 2. Ouais, The Rock est dans G.I. Joe 2. Okay. C'est quoi, il joue le sergent Slaughter? Ben, ils ont tout, c'est comme presque tout du nouveau monde dans le 2, en fait. Dont Bruce Willis qui joue le Joe original, semble-t-il. Ah ouais. The original Joe. Mais là, c'est Duke, niaise-moi pas, là. Ils peuvent pas réinventer l'histoire. Pas, là. Au sommet de l'échelle de l'évolution, il y a Duke, puis juste en arrière, il y a, MacGyver. Puis après ça, il y a tout. Ouais, mais il y a Joe qui était juste Joe, là, qui était la poupée, là, le action figure. Joe, le Ken doll avec un plus gros pénis, là. Mais en tout cas, ils sont en train de tout me défaire ma diégèse préférée. Hey, puis avez-vous vu à la lutte, Kane est revenu avec son masque, il y a eu plein de feu à la fin, la musique est partie, pow, il est arrivé, puis là. G.I. Joe Millionaire. Kane avec son masque. C'est fou. Ouais, j'avoue, Kane avec son masque, c'est pas n'importe quoi. Bruno, nouvelle? Oui, alors il en reste deux, alors. Il n'y a pas de masque. Ouais, c'est clair. Adam Hall, 34 ans, s'en serait sorti si seulement il avait su épeler le mot slot. L'homme de 34 ans qui, selon les dires de son ex, Brittany Speckman, répandait des ragots à son sujet, a décidé d'aller vandaliser sa voiture en pliant la plaque d'immatriculation et en écrivant le mot « salt » sur le capot. La police a contacté Hall, qui s'est présenté au poste de police et a nié le tout, mais lorsque les policiers lui ont demandé d'écrire la phrase « You are a slut », il a écrit « You are a salt ». Il a été accusé de vandalisme. Une autre victime de la dyslexie. Voilà. Ah, tabarnou. Hey, moi, ces héros-là, là, ça, c'est des héros non chantés de la vie, ces gars-là. Tu sais, le gars, il avait des convictions. Ouais. Il s'est donné les outils pour réussir à passer son message aux bonnes personnes d'une manière originale. Puis, juste un petit détour du destin, une malchance, man. Puis on parle de lui. Mm-hmm. Colin. C'est un Adam la déverne. Adam la déverne. Ta dernière de 2011. Ma dernière nouvelle de 2011. Darren C. Abbey, un skinhead de Cœur d'Allen en Idaho, prenait un verre dans son bar et a aperçu un noir. Il a alors décidé d'aller le harceler. Le noir en question, Marlon L. Baker. Le noir, je Marlon L. Baker portait un t-shirt sur lequel était écrit « Champion du club de boxe de Spokane ». La confrontation s'est continuée à l'extérieur du bar alors qu'Abbé suivait Baker qui lui affirmant que les Noirs n'ont pas leur place dans sa ville et le menaçant de le poignarder. Lorsque Abbé a poussé Baker, celui-ci a réagi instinctivement en le frappant au visage, causant une commotion cérébrale et des fractures faciales. Ben là, tu vois pourquoi que les Noirs sont interdits dans ce ville-là? Abby a été arrêté et accusé de harcèlement malicieux. Lorsqu'il a été arrêté, il aurait déclaré « Quoi? Vous arrêtez le blanc? » Il doit y avoir une erreur. Colin, il a des belles valeurs dans la tête. Lui, ouais. C'est le fun. J'espère que ça coule pas autour de lui. C'est ça, tu veux vraiment mettre des bouchons ou garder ça en dedans, bien scellé. Ouais. Et tu le frottes puis ça te donne 3 souhaits. Tabarnak, man. Merci Bruno. Ben, ça fait plaisir. Je te souhaite de passer un excellent temps de magie de Noël. Faut pas que j'oublie de vous dire qu'il y a un concours de dessin. Ben oui, mais on continue avec le concours de dessin de 70%, c'est on sûr. On envoie l'adresse. C'est le 1803 Saint-Christophe. À l'écran. L'adresse est à l'écran. Ouais, mais je l'envoie pour les aveugles, tu sais, qui vont nous faire un dessin. Ben, ou les illettrés. On était à Montréal, on a reçu une grosse pile de dessins, ils sont dans la poche de Noël, du Père Noël, de Noël, et ben ça va revenir en 2020. Tu peux les envoyer par Facebook. On n'a même pas encore trouvé c'était pour être quoi le prix. Là, ça s'enligne pour être un souper, là, ou le droit de venir faire la vaisselle ici. Ouais, c'est un souper avec Bernaché. Ça va peut-être être là. Non, mais ça veut dire qu'il va falloir que tu te laves, là. Ouais, en plus. Pas obligé. Vu qu'on est filmé, j'ai pas le choix de me laver en Non, mais on peut le mettre dans la même bulle. C'est pas une façade à l'écran. Une douche avec Banachu, oui. Moi, c'est pas une douche. Ah, c'est bon, ça. Ah, j'adore. Sinon, Étienne, on va te suivre pour aller vivre les aventures de fin de 2012. Ouais. De 2011. Ouais, ben là, arrête, là. Check bien ça. Écoute, j'aime tellement ça. Fin de 2012, ça n'arrivera jamais, de toute façon. Tellement de respect pour le calendrier grégorien. Ouais. Moi, ici, une toune que j'aime bien, pour nous rappeler que c'est la fête de Jésus, c'est Andréane Lafleur qui chante « Jésus qui vit en moi ». Ça fait. C'est, ouais, c'est. Hein? Ouais, c'est. On n'a pas besoin. Vie en moi. Vie en moi. On l'a tout vu. Puis pendant qu'on écoute ça, j'ai apporté des pochettes, mais avant. Avant les pochettes, j'ai ici, et là, ça, c'est un miracle de Noël. J'ai un colis qui vient de France qui traîne chez nous depuis un an. Parce que l'année passée, à peu près à cette date-ci, Lilian Schutt, notre fan français numéro 1, nous avait envoyé un colis avec un cadeau pour chacun de nous. Et bon, Julien n'était pas là. Peut-être qu'il a été battu parce qu'il ne nous a pas envoyé de cadeau cette année. Il a tenté. Mais en tout cas, là... il a tenté. Là, Julien, j'y avais dit, mais qu'on revienne au retour, je te donnerai le cadeau. Puis là, finalement, on était bannis, donc on est revenu. Puis là, finalement, quand on est revenu ici, ben, on s'est dit, oh, on n'est pas loin de Noël, on va attendre la magie de Noël, ça va être plus cool. Fait que voilà, Julien me fait plaisir de fouiller dans la boîte. Ouais, merci, Lilian. Féerique Mantienne. Alors voilà, on voit, c'est écrit dessus ton nom. Wow. Moi, je suis supposé amener le CD à Étienne qui a gagné à Décidéré en avril dernier. En mai, hein? En mai, puis je l'ai encore oublié, mais il est chez moi. Ouais, moi, je te fais confiance. Je sais que je vais l'avoir. À date, pourquoi? Ah, parce qu'il y a une barbe. C'est ta bite. Alors voilà. Oh! On reconnaît Pif et Hercule, Pif Gadget. Ça a l'air des flotteurs. Je crois que c'est des véritables gadgets. Mais oui! Plein de différents gadgets. Je vais les nommer. Ah, oh, wow, c'est. Tabarnak. Wow. Le collier de Rahan. Ça fait un an que j'ai acheté des gadgets. Alors voilà, de véritables gadgets de Pif Gadget. Écoute, dont aucun semble cracher de l'eau. La neige magique. Oh, wow. Ça doit être dégueulasse, tu vois. Parce qu'il y en a beaucoup. La neige magique. Mange pas ça, même. Fabrique toi-même avec Pif Gadget. Avec ce sachet, tu peux faire 3 litres de neige. Wow, quand même, hein? 3 litres. Oui, un versé, deux remué. Ça prend 1 à 2 litres d'eau. Ça fait 3 litres de neige. C'est 3 litres de neige. Fait que voilà. Peut-être mon préféré, le couteau de Rahan. Le couteau là! J'ai déduit que c'est. Alors maintenant, quand je veux vouloir savoir où aller, je le tourne. Puis, voilà. Il pas de gueuler Rahan. Il y a le collier qui va avec. Le collier de Rahan. Je vais le porter fièrement ce soir. Comme ça, si tu as besoin de te poser une question, c'était quoi les griffes? T'as juste à toucher à une des griffes. La sagesse, la générosité, la puissance, le courage, puis. Le bandé dur. Un étui à crayon, Pif? À fond la rentrée. À fond la rentrée avec Pif Gadget. À fond la rentrée. À fond la rentrée. À fond la rentrée. À fond la rentrée. Tu peux pas le lire à l'envers. Non. Non, hein. Mais est-ce que la neige magique, à fond? Oui, oui. Bien meilleur que ton style de étui à crayon, Lette. Ça, survie en bois. Peut-être l'inverse de coup de cœur personnel, là, la montre en carton. Que c'est toi qui écris l'heure puis qui la change à chaque minute? Je sais pas, j'ai pas encore très bien saisi. En tout cas, il y a faible, mais moyen, fort, très fort. Hein? Exposez le bracelet au soleil durant 20 secondes et comparez l'intensité de la couleur de la tête de Pif avec les indicateurs UV. En cas d'indication très fort ou fort, il est conseillé de te protéger du soleil. Crème solaire. Gars, tu vois, c'est pas pire. T'as plus besoin de météo média. Entre 11h. Ouais. Ben oui. Entre 11h et 15h, les risques de coups de soleil seront les plus forts. En cas d'utilisation prolongée au soleil, l'efficacité de ton testeur UV, qui n'est pas un appareil médical, peut en être affectée. Rappelons-le. Tenez hors de la portée des enfants de moins de 3 ans. Petits éléments susceptibles d'être digérés. Donc la montre en entier. C'est à coupe en morceaux. Je sais pas, je vais la porter fièrement ce soir par contre, mais il y a pas de. Ouais, t'as les griffes de Rahan. Ah ouais, c'est ça, pas ça. Bien, garde-toi pour. Celle-là, il a l'air vintage, honnêtement, en fait. Ben, il est dans un petit. Attention, il va exploser. C'est ça. Je crois que c'est un. Ah oui, un paquet de cartes. Il y a l'air vraiment. On voit peut-être pas bien à l'écran, mais il y a l'air vraiment vieux, en fait. Il y a du tape dessus. Oh, les cartes. C'est un paquet de cartes. C'est un paquet de cartes. Je vais vérifier puis je vais vous revenir la prochaine fois s'il est entier. Sinon, perd les points. Mais... Il a fait du magasinage. Là, un paquet de cartes entier Pif Gadget. Alors voilà, pour une partie de trou de cul. Et voilà. Ou à autre, je connais pas d'autres jeux de cartes. Strip poker. Hey, tu joues, imagine comment de ça. De paquet voleur. C'est ouais. De jouer ça avec facile. Plus facile à voler. Tu le jeu de Véronique Loutier. Et surtout, ça là. Un vautour de magie. Un frisbee? Ah, peut-être. Ou un flotteur. Une bouée de sauvetage. Tu peux le gonfler. Une bouée de sauvetage pour chat. Tu peux le gonfler. Tu peux le gonfler, puis on ne sait pas si c'est un frisbee, un coussin orthopédique ou un flotteur. Ou, mais ce qu'on sait, c'est que c'est apprécié beaucoup. Mm-hmm. un diaphragme. Ton diaphragme pif. On est moins de 3 ans. À fond la rentrée. Voilà. Merci beaucoup, Lilian. C'est vraiment un très beau cadeau. C'est très apprécié. Ben oui, c'est très. Hey man, le collier de Rahan. Le collier de Rahan, je suis content. Ben ouais. Mais toi, sinon, tu nous as amené des pochettes de Noël. Des pochettes de Noël. On va aller vite. Ah tu oui, Johannes. Alors, on a Noël à l'église ici. Evan Johannes et les disciples de Massonnet. Donc, ça, c'est c'est le classique. Tout le monde adore cette pochette-là. Ah, et puis de l'autre bord, là. Puis il est facile à trouver, en plus. De l'autre bord, on l'a comme ça ici. Ah oui. C'est Dracula, ça, right? C'est Dracula dans une église de Noël. C'est Dracula. Alors, ici, on a Noël avec Guy Aubin. Ah. Ça, je pensais que c'était une explosion nucléaire. T'es vraiment pas le premier à dire ça. Guy Aubin, le clown de Ray Smart. Ouais, c'est ça. Lui, il mange des branches de sapin. Voilà. Alors, je confirme, il y a 53 cartes. Oh! Oh. C'est la carte des règles ou deux jokers? Il est joker, ouais. Il y a un joker, en tout cas. Ah. Si nous avons Louis Bennet à Noël. Donc, il a l'air heureux. Il y a un violon puis une croix. Il me semble que je le trosse pas trop, lui, ce gars-là. C'est ça, j'ai pas le goût de passer 20$. Comment ça, il y a une poche pleine de stock. Ici, on a le bon vieux temps. Donc, ça, c'est la cousine de 12 ans du gars qui a édité le disque et a fait le dessin. On dirait, en tout cas. Voilà. Ici, on a un Noël blanc. Elle dit, on est en blanc! Il n'y a pas de noir dans la gang. Zoom-moi là-dessus, Andy. Donc, on a les Classel, René Nathalie, Michel Richard. Puis, ce qui est beau, c'est que c'est 15 chansons. 15 grands succès de Noël et du palmarès des années 80. Ils ont même pas été foutus de trouver 15 tonnes de Noël. Ils ont fallu et du palmarès des années 80. Aucun rapport, c'est ça. On a Noël en famille ici. Donc ça, c'est une fausse famille. Il y a Christine Chartrand, Johnny Farrago, Anne-Renée et Michel Richard. Eh oui. Puis c'est pas, je sais pas. Eux, ils ont l'air d'être comme le couple de parents, mais Michel Richard, c'est qui? C'est la tante ou. Elle est annoncée telle qu'elle a. Ouais. Ah, c'est peut-être la grand-mère aussi qui habite avec eux autres. Peut-être. Puis là, il y a deux enfants qui ont été empruntés, dont elle qui s'étouffe avec un sous-son. C'est ça. Pas trop loin, Andy, on pourra pas revenir. Après ça, on a ici Noël party à la bonne franquette. Fait que ça, si ça c'était la bonne franquette, quand ils s'organisent pour me recevoir, j'ai bien hâte de voir ça. Bon, tard, c'est ça, c'est la bonne franquette, tout ça. Voilà. Et ici, on a Shell vous offre un merveilleux monde musical de Noël. Fait que c'est Shell de Noël. Dans le temps qu'on avait pas puis tout ça. Ça s'ouvre en plus. Ça rapporte. Un peu. Je vais essayer de. Ah, voilà. Le Noël de Shell. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Pour tous les amis. Noël à la maison. Ça, je pense que ça venait, genre, tu faisais le plein puis te donnais ça à un moment donné. Ben ouais. Ah, voilà. Quelque chose du genre. Fait que là, il y a du texte puis tout ça. Puis finalement, les tunes sont très. Il aurait pu, mettre un traîneau à sirop d'érable traîné par un char. Il aurait pu. Oui, c'est ça. Sinon, soirée québécoise, ça, on le voit beaucoup dans les bacs des marchés aux puces. C'est juste parce que je trouve que ça a l'air un peu pas bon, là. Une vieille tourtière avec soirée québécoise écrit en ketchup. Qui manque pointe sur une nappe à je sais pas, ça a pas l'air très appétissant. Fait que, finalement, voilà. Ce qu'il y a dessus, là, tu. Oh, c'est des rigodons, des rilles, pis des affaires. Bon, okay. Noël avec Aldi Duguay. Aldi Duguay, si tu peux zoomer dessus, s'il te plaît. Là, regarde, il a l'air. C'est un homme de Cro-Magnon qui a appris à jouer de la guitare. Monobro! La passe, une maman. Aldi Duguay, là. C'est lui qui chante Noël en prison. Ton disque est autographié par Ginette. Aussi. Ouais, ben, c'est ça. Il a été. C'est super. Tu penses que son vrai nom, c'est Dudge? Ouais, probablement, ouais. Ben, je fais des sols avec ma guitare. Si on a Mario Lanza. Oui, le ténor de Saint-Léonard. Donc, tout de blanc vêtu sur un fond de sapin blanc. Avec un micro blanc. Avec un micro blanc. Le micro, il est tough à voir en sac. Tel qu'annonçait la télévision. Ouf. Et on vous le remonte ici, encore à la télévision. Ils ont voilà. Tous été annoncés à la télévision, hein? Toute la gang. Souvenir d'enfance, Michel Martel. Oh oui. Fait que ça, c'était dans le temps qu'il était un petit gros. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que c'est les couleurs de 2.org qui étaient bien en brun et orange. Voilà. Ah, voilà. Yes. La télé des délaissés, pauvre petit. Oh. Oh. Pitié. Fait pitié. Oui, ici, ça, là, la pochette est vraiment laide, imprimée en vert et rouge, mais c'est le titre, tu sais. Noël blanc. Noël blanc avec petit blanc. Hein? Et ça, c'est du concept. Est-ce que le 1,96 est imprimé sur la pochette? Ouais. Et ça en 3D, la pochette? Non. Ben, elle est en 3D dans le sens que elle existe dans notre univers. Mm-hmm. Merci, Bruno. Ouais. C'est que ça va faire plaisir. Trop tard, change, on n'a plus beaucoup de temps. Ici, voilà, ça, ici, là, la famille UR. Zoom un peu sa famille Huard, là, juste pour voir rapidement, là. Cette famille-là sont vraiment beaucoup autour d'une ben trop petite table avec zéro bouffe sur la table. Mais il se passe des assiettes vides, puis, tu sais, il y a des bouteilles, puis il y a comme juste... shit, hein, c'est comme dans The Others de Nicole Kidman. Il y a des fruits en plastique, puis des assiettes vides. Le plat de bouffe s'en vient, là. Puis ouais, puis il va avoir de la place pour mettre des assiettes pour tout le monde. Depuis 3 jours. Depuis 150 ans. Je sais pas trop, là, c'est un bonhomme. Ils ont mangé la moitié du sapin, déjà. Ouais, on dirait qu'ils ont un sapin de pauvre. Ouais, puis là, ils sont vraiment contents avec des bonnes nuits. C'est qu'il y a sa tête. Pas super garni, je sais pas trop, c'est bizarre. Ben lui, c'est le juif de la famille. Ouais. C'est la famille Huard. Ouais, c'est ici, pour les rigodons de Joe Dolan, Lucien Bédard est à l'accordéon géante. Et puis, à l'accordéon géante, ouais. Et finalement, de côté ici, voilà, Fernand Gignac, regardez, il a l'air jeune. Oh, wow! Il avait 17 ans. Déjà en début de carrière, les albums de Noël. Il avait 4 ans, en fait, il a commencé très le jeune. Le pouche ou je pouvoui de chansons folkloriques. Le reste, bof, c'est une niaiserie habituelle. C'est le premier enfant chanteur du Et je conclue, évidemment, je conclue avec la famille Soucy, qui nous présente un choix judicieux de musique et de chansons folkloriques. De Noël. Ah, ben oui! Noël chez Isidore. Puis voilà. Toute la gang, chemise carottée, ceinture fléchée, puis Isidore, c'est le père qui est au milieu, qui a vraiment pu l'être trop conscient de ce qui se passe. Celui qui est en bas complètement, là, il a l'air taquin, lui. Mais en fait, ça le dit derrière que c'est de la musique folklorique qui créera une atmosphère de franche gaieté canadienne à l'occasion de la période des fêtes. Chanté par des ex-détenus. Chanté par des belles gangs de consanguins. Nous, on s'habille pareil. C'était les pires pochettes de Noël, mesdames et messieurs. Wouhou! C'est tout. De Noël. Ce qui garantit encore une fois que quand c'est de Noël, c'est féerique. Oh oui, automatiquement. Et quand c'est féerique, c'est... de Noël. De Noël. Magie. En tout cas, on va aller au brouhaha. On s'en va rejoindre Géant. N'oubliez pas notre... concours de dessin qui se poursuit, envoyez-les ici chez nous. Une dernière nouvelle de flirt. Ouais, ben ça peut être des dessins virtuels si vous aimez mieux, là, mais c'est tout le temps le fun de pouvoir le montrer à l'écran. Ça peut être des dessins scannés aussi. Ouais. On peut les montrer à l'écran. Ça peut être un MP3 que vous décrivez le dessin. La dernière intervention avant qu'on parte pour les vacances de Noël, il va y avoir quand même quelque chose qui va continuer sur douteux.tv tout le temps. Fred, vas-y, flirt là. Désolé, ça continue à jouer du sang. Celle-là, je m'étais promis de la lire, donc ça a été écrit par Nicolas, qui est un ami à Bernaché qu'on avait mentionné. Fournier Larocque, qu'on salue. Mm-hmm. Oui, c'est ça, ça s'intitule « Lueur dans la tempête ». Début septembre, métro Berry. Berry avec un Y, c'est pas écrit les stations métro. Ça ressemble à Nicolas. C'est des baies. Vers 23h30. Tu es entré dans le métro, direction Henri Bourassa, alors que j'étais au dernier chapitre d'une embarrassante dispute publique avec mon maintenant ex-copain. J'ai tout de suite senti ton regard compréhensif. J'avais remonté en chignon mes cheveux châtains foncés et je portais des lunettes rouges. Tu avais les cheveux châtains, de grands yeux doux et tu portais un foulard brun. Il est descendu une station avant moi et c'est grâce à ton regard réconfortant et à ton sourire que j'ai pu percevoir que j'ai pu contenir mes larmes. Ta présence m'a donné le courage de mettre fin à cette relation qui aurait dû être terminée depuis trop longtemps. Je ne connais pas ton nom, mais tu m'as déjà tant aidé. J'aimerais te revoir. De sauver des eaux. Voilà qui est fait. Oh, wow! Je tiens à préciser que c'était une œuvre de fiction. Ouais. Voilà. Elle, contrairement à toutes les autres, non, les que autres qui étaient vraies. Que c'est confirmé, ouais. Celle-là, que celle-là, c'est une confirmed. Et voilà. Donc, Andy Jacques, merci beaucoup. Simon Préjean, merci beaucoup là-bas. Mathieu, Fred, Julien Bernatché, Étienne Forêt, Bruno de Noël. C'était le dernier 70% qui est à date le meilleur qu'on a fait. Clairement. Depuis les débuts. La semaine prochaine, on va mettre des affaires de Noël. Là, c'est ce qui t'offre jusqu'à temps qu'on commence une programmation pas de Noël. De Noël. Voilà. On viendra à un moment donné. De Noël. Là, de Noël. On vient lundi 2 janvier. Moi, je ne serai pas là le 2, par exemple. Je vous le dis tout de suite, chers auditeurs, ceux qui l'écoutent pour moi, je n'ai pas besoin de le synthétiser le 2. Pas besoin de On va pas jouer les Jingle 4. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais essayer d'être là le 2. Ah, bon, tu vois. Moi, le 2, peut-être que je travaille, d'autres en fait, qui ont déjà abandonné. C'est ça. Ah ouais, moi, le 2, c'est ça. Ah ouais, pas d'autres choses, là. On va mettre le spécial de... avant le